from crying. Sometimes

never scream, cause that's your way of letting off steam. Scream on, scream on. If you feel like you wanna sing, cause singing is your thing. LaMelodron.com spécialement pour vous. La persona importante aquí en mi vida eres tú, la que va por delante, igual que un faro de luz. Y aunque vengan amores que se parezcan a ti, rechazaré imitaciones. Tú eres la dueña de mí. No habrá quien pueda ser dentro de mi querer, tarde, noche y mañana. No hay quien tenga el poder de causarme placer como tu amor que llama. Mi persona importante eres tú solamente, porque llenas mi vida con ansias de amar y al fin siempre me das toda la felicidad, toda la felicidad. Persona importante eres tú solamente, porque llenas mi vida con ansias de amar y al fin siempre me das toda la felicidad. We'll be right back.

ton âme, je sais bien que tu l'aimes, tu aurais donné ton âme. Mais qui ce camarade? Je parle seul, personne n'est là. Alors c'est moi le camarade, le pauvre con, et me voilà. Thank you. much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, light my fire. Try to set the night on fire. The time for hesitation's through. There's no time to while away the mire. We could only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on and light my fire. Try to set the night. رحلته الفصول بالأناشيد والوعود ويشيعون أنه كان أيامها يقول في شقوق الدجى أعود في شقوق الدجى أعود في

amis de la musique. C'est une véritable invitation au bonheur. lemelotron.com. To let you le pétrole. J'aime ça, le pétrole. Je ferai n'importe quoi pour du pétrole. Tout pour du pétrole. Moi, j'aimerais le pétrole. Oh, oh, oh, oh. Tu aimeras le pétrole. Il aimera le pétrole. Nous aimerons le pétrole. Vous aimerez le pétrole. Tu aimeras ton prochain sommet toi-même. Pour un homme qui a du pétrole, je flambe. Je me consume. J'explose. Je fume.